Salut, salut, monsieur, madame, personne non binaire. On s'en fait une nouvelle vidéo sur le jeu de rôle et aujourd'hui, on va parler d'intimité. Donc, j'espère que tu es bien installé, que tu as une boisson chaude, des coussins et on est parti pour traiter de ce sujet. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches que si tu veux traiter d'intimité à ta table, je dirais que c'est valable si toute la table est dans le délire, quoi. Ou alors tu peux éventuellement jouer l'intimité s'il y a juste toi qui es dans ce délire, c'est un délire individuel. C'est ta seule initiative, mais bon, bah, là tu dois devoir sonder les limites des autres et peut-être pas trop les amener sur ce terrain. C'est juste ton truc à toi, quoi. Donc on va un petit peu étudier ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'intimité? Je vais essayer de te faire une définition, on va dire, qui peut rentrer dans le cadre d'une partie de jeu de rôle. Je dirais que l'intimité dans une partie de jeu de rôle, c'est ce qui va porter sur les liens amoureux, fraternels, familiaux et amicaux. Et donc il y a une notion psychologique et il peut aussi y avoir une notion un petit peu sensuel, c'est-à-dire qu'on va parler des contacts intimes, donc ça peut être des étreintes, des effleurements, de la promiscuité, et même pourquoi pas du sexe. Bon, j'espère qu'il n'a pas entendu ses oreilles chastes de chaton mignon. Alors, bon, qu'est-ce que ça peut être? J'ai parlé du psychologique, qu'est-ce que ça peut être l'intimité d'un point de vue psychologique? Ça peut être les pensées des personnages, leur monde mental, mais aussi leur mémoire, les projections qui se font dans le futur et les confidences qui peuvent se faire entre eux, quoi. Donc, quand tu joues l'intimité, moi, je vais t'inviter à varier les intensités, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments feutrés, puis il y aura des moments plus intenses, quoi. Tu vas jouer comme ça avec les rythmes, rythme lent, rythme rapide. Voilà. Et donc, par exemple, si tu as des révélations à faire, des révélations intimes à faire, il faut les graduer, les apporter par petites touches, tu vois, on va dire foreshadowing, pour employer un terme américain, c'est-à-dire les introduire progressivement, tu vois, les révélations, pas les amener d'un coup, mais par petites touches. Et bah, du coup, c'est le moment de parler du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par la carte X. La carte X, c'est une petite carte que tu poses en fait sur ta table de jeu, et en fait, donc d'un côté c'est écrit X, et en fait si tu retournes la carte, tu as un QR code, et ce QR code il te permet d'accéder à un site internet pour adultes. Voilà, donc tu as une promo sur la carte X, hein, de 30% si tu tapes Outsider 666, et bon, on s'en met le petit jingle de la carte X. Baby, carte X, Excal, carte X. Bon, oh non, mais c'est vraiment, je suis désolé, je suis vraiment né avant la honte, hein. Excusez-moi, bon, c'est comme ça, je suis parti totalement en cacahuète. Alors, on reprend sérieusement. Du coup, comment on fait pour éventuellement se mettre en condition pour amener vers du jeu intime? Eh bien, tu peux pratiquer ce qu'on appelle le placard à immersion. Alors concrètement, tu t'enfermes pas forcément dans un placard, hein, mais disons que tu vas comment? Eh bien, tu vas te recueillir en solitaire et tu vas un petit peu réfléchir à ton personnage, à ses émotions, à sa personnalité, à ses liens avec les autres. Enfin, tu vas bien dans le bain, relire ton background et tout. Et puis tu vas arriver bien, bien échauffé à la partie, quoi. Tu vas en fait te connecter avec ton personnage plus, avec ses émotions, tu vas être beaucoup plus à fleur de peau. Évidemment, je pense pour s'intéresser, faire de l'intime, il ne faut pas uniquement t'intéresser à l'intime de ton personnage, il faut t'intéresser à l'intime des autres, il faut provoquer des scènes d'intimité entre ton personnage et ceux des autres. Alors, on va en parler plus tard, avec consentement bien sûr. Je vais en parler tout de suite. Hein. Pourquoi différer un truc aussi important? Voilà, ça c'est vraiment important. C'est que même, tu vois, même quand on est dans des trucs soft, hein, du genre une relation fraternelle, tu vois, ou une bromance, mais ça va jamais aller plus loin que des non-dits, quoi. Eh bien, il faut quand même checker le consentement de l'autre, hein, parce que ça change quand même un peu de jouer juste des relations de toi tu te passes sur cette case, et puis toi tu vas me faire un buff, et moi je vais tanker, tu vois. Hein, on n'est plus trop dans le même délire. Faut quand même vérifier que tout le monde est sur la même vibe, hein, avant d'imposer ton intimité comme ça à tout le monde. Moi, j'ai une mécanique que j'appelle la scène d'intimité. J'en place dans mes scénarios. Je peux aussi en proposer comme ça en impro. La scène d'intimité, j'appelle ça une mécanique parce que c'est pas une scène précise. Je dis juste à un moment, ben, en fait, là, tu peux avoir une scène d'intimité avec telle personne. Et en fait, c'est le PJ, enfin, c'est la joueuse qui va déterminer en quoi consiste la scène d'intimité. Moi, généralement, je te dis, tu sais, ça peut aller de prendre le thé ensemble jusqu'à faire l'amour comme s'il n'y avait plus le lendemain. Et c'est la joueuse qui va graduer entre ces deux opposés du spectre. Hein, mais après, on peut prendre le thé et faire l'amour en même temps. Faut faire attention à ne pas se brûler, quoi, c'est tout. Et voilà. Et généralement, au terme de cette scène d'intimité, eh bien, chaque personne impliquée dans cette scène, donc c'est une scène à deux, hein, chaque personne impliquée dans la scène apprend un truc nouveau sur l'autre, quoi. Donc il y a un peu comme ça des informations ou des faveurs qu'on va se lâcher. Ça peut être aussi éventuellement le moment de propos au bout de cette scène d'intimité. Moi, je peux proposer que se déclare une romance. Donc voilà, vous avez une scène d'intimité, ça s'est bien passé. Et là, si vous voulez, vous pouvez avoir une romance, sachant que moi, comme je le conçois, la romance en fait, elle peut être rompue bilatéralement, c'est-à-dire que à tout moment, le PJ peut décider de rompre la romance. Ou le PNJ peut la rompre, tu vois, s'il a des raisons. Quand c'est un PNJ, je peux même déjà lui trouver par avance des raisons qui font que si PJ fait tel truc, c'est sûr que PNJ va rompre. Enfin, si PJ rejoint les elfes, bah, PNJ va rompre, par exemple, quoi. Pense aussi au méta-jeu quand tu fais des scènes d'intimité. Tu peux poser des questions orientées. Par exemple, dis-moi Barbare, qu'est-ce qui fait que tu restes en notre compagnie malgré que, entre guillemets, en théorie, les barbares ne doivent pas vivre avec les non-barbares, quoi. Et là, la joueuse du barbare va se confier. Elle fait oui, mais en fait, c'est parce que les barbares m'ont blessé. Voilà. J'ai l'air de moquer comme ça. Hein. Je sens que j'ai l'air un peu taquin. Mais personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, hein, les scènes d'intimité. Et quand je les joue, bon, de toute façon, quand j'ai la caméra, je peux pas garder mon sérieux, c'est comme ça me transforme en clown. Mais honnêtement, quand je les joue, je suis sérieux, je suis impliqué dedans et tout. Et je me moque. Généralement, je me moque pas des personnages en train de faire une scène intime. Vraiment, j'ai une tendresse pour ces personnages quand ils sont comme ça, vulnérables, à fleur de peau. Et bon, je rappelle aussi, parce que j'ai peur d'oublier, mais encore une fois, une scène d'intimité, c'est pas forcément un truc hot, ni même un moment de révélation où on apprend beaucoup de choses sur l'autre. C'est pas vraiment être un petit moment, voilà, où on boit une tisane ensemble et tout, on regarde le coucher de soleil, aucun mot n'est échangé. C'est beau. Toujours dans les mécaniques de méta-jeu que tu peux employer, hein, pour favoriser l'intime, j'aime bien le roleplay à la troisième personne, enfin, c'est-à-dire. Pas te contenter des dialogues de ton personnage, mais par ses attitudes physiques, ses expressions verbales, comment son corps bouge, des petits détails, le vent dans les cheveux, des choses comme ça, quoi. Et puis, tu peux aussi pratiquer l'ironie dramatique. Par exemple, mon personnage, il est comment, bien sûr qu'il tient énormément à toi. Mais comme il est bourru et qu'il ne sait pas exprimer ses sentiments, bah, tu vois juste qu'il grince les dents, il veut te dire un truc, mais il n'y arrive pas, quoi. Et, tu vois, de joueuse à joueuse, on s'est dit ce qu'il avait à dire, quoi. Mais le personnage, lui, il reste mutique, il reste bloqué, tu vois, dans son incapacité à montrer ses sentiments. Ça, c'est ironie dramatique. Moi, j'en use beaucoup, je la trouve intéressante. Et ben voilà, écoutez, ça fait 10 minutes. C'était trop court. Mais nous nous reverrons. Bisous.